C'est des chevins de la moula. En Alicante, le guetteur qui crie aha. Alba au quartier, ma brunette me chapeau de paille. J'te fais voyager, on se verra loin de là. En Alicante, le cigare de Cuba, des gaines arbitres de Sabastano.